Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo concernant la nouvelle lune, la première de l'année 2025. Ce sera une nouvelle lune en Verseau. Elle va se produire le mercredi, c'est un mercredi 29 janvier, et elle se formera à 9,51 du signe des Verseaux à 12h37 GMT, donc plus ou moins, on va arrondir, à 13h35 en France et dans les environs. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints, donc l'un à côté de l'autre au même degré du zodiaque. C'est une conjonction soleil-lune qui se produit ici en Verseau. Et la nouvelle lune, c'est toujours une chance de renouveau, de nouveau départ, encore plus ici, puisque c'est la première nouvelle lune de l'année 2025. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air qui en général sont des signes extravertis, et le Verseau, il est souvent lié à tout ce qui est fraternel, tout ce qui est plutôt indépendant, créatif, original, et souvent il est tout le temps plutôt le Verseau orienté vers l'avenir, il regarde très peu derrière lui. Donc toute cette énergie est plutôt dynamique, elle nous booste pour cette nouvelle lune de l'année. Alors, si on regarde maintenant plus précisément, plus en détail, ce ciel de nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la nouvelle lune, elle est conjointe à Mercure et à Pluton qui sont en Verseau, et elle est aussi trigone à Jupiter en Gémeaux. Alors ça, c'est excellent parce que ça nous souffle normalement des bonnes idées et ça devrait nous aider à améliorer nos finances ou nous aider à nous libérer de certaines inquiétudes. C'est vrai que Jupiter, il est encore rétrograde au moment de cette nouvelle lune, mais il va bientôt reprendre sa course directe, soit entre le 4 et le 5 février 2025, donc quelques jours après cette nouvelle lune. Cela, Jupiter redevient direct, et donc cela va booster notre chance, cela va aussi peut-être nous aider à saisir des opportunités financières, cela va nous agrandir, générer de l'optimisme dans notre tête. Donc c'est du positif, et on a l'impression ici que cette nouvelle lune, elle nous donne vraiment un nouvel élan. Mais cet élan, il va nous permettre du coup, eh bien, de rebondir encore plus loin par la suite, comme un ricochet en fait, quand Jupiter va redevenir direct. Bon, c'est vrai, parce qu'il faut le préciser, que aussi lors de cette nouvelle lune, eh bien, Mars est toujours rétrograde. Et donc, Mars rétrograde, il nous oblige, comme j'en avais parlé la dernière fois, malgré tout, à fournir pas mal d'énergie pour rester tenace dans nos entreprises et pour aller au bout des choses. Alors, ce qu'il est important de noter aussi, quand on regarde ce ciel de nouvelle lune, eh bien, on voit que Mercure et Pluton, ils sont conjoints en Verseau. C'est quoi ça? C'est quand même important comme symbole. Et donc, cette conjonction, elle nous aide à nous transformer, à évoluer, à nous métamorphoser dans notre façon de penser, parce que Mercure, c'est l'intellect. Et donc ici, la Lune, eh bien, cette nouvelle Lune, elle nous libère. Et donc, son conseil, c'est de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et d'envisager de nouvelles voies. Ensuite, autre chose importante que l'on voit, que l'on repère dans ce ciel de nouvelle lune, c'est que le nœud nord, il est conjoint à Neptune et à Vénus en Poissons. Donc le nœud nord lunaire, il est conjoint à Neptune, à Vénus en Poissons, et ça, ça nous apporte beaucoup de la compassion. Cette conjonction, eh bien, elle nous donne une vision sans doute plus élargie du monde. Elle nous pousse certainement à ouvrir notre cœur, à faire preuve de compréhension, à faire preuve d'humanisme. Et donc, si on fait vraiment confiance à nos ressentis, eh bien, on pourrait, pour certains, peut-être connaître une expérience mystique, une révélation aussi, concernant peut-être une foi, un idéal, peut-être une philosophie de vie aussi. Et pour d'autres, eh bien, certains pourraient connaître une expérience amoureuse qui va les bouleverser, les changer en profondeur. Et donc, une rencontre clé peut vraiment se produire si vous êtes célibataire et en duo, eh bien, de nouvelles données peuvent changer, peuvent amener un changement plutôt motivant dans votre couple. En bref, eh bien, cette lune, elle nous invite à nous réinventer, que ce soit sur le plan physique, mental, donc sentimental, émotionnel, spirituel, ou vraiment dans nos aspirations, nos rêves, adoptons un nouveau regard et un nouvel horizon va certainement s'ouvrir devant nous. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune.